Section 16 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 16. Croquis d'octobre par Gustave Geffroy. Chapitre 3. Milieu parlementaire. L'homme de lettres d'aujourd'hui ne va pas assez souvent braquer sa lorgnette dans les couloirs de la chambre et dans la salle des séances. C'est qu'il y a là un effrayant travail d'observation à faire. Après une initiation complète qui ne peut être subie que par les journalistes attachés à la chambre, par leur métier, il faudrait être tous les jours au poste, attentif aux infiniment petits, divinateur des moindres allées et venues, des gestes qui s'esquissent dans les groupes. Ce qui se passe sur la scène, c'est-à-dire à la tribune, dans l'hémicycle et dans les travées, n'est pas à première vue compréhensible pour le spectateur. La composition de la pièce est souvent irrégulière. Les dialogues et les chœurs des majorités sont souvent confus. Il faut pour tout comprendre et classer rigoureusement les phénomènes qui se produisent, être au courant de la comédie autrement intéressante qui s'est jouée dans les coulisses, des préparations, des répétitions et aussi des entr'actes et aussi des dénouements qui surgissent une fois le rideau baissé et le public parti. Ajoutez à cela des changements de lieu plus répétés que dans les drames de Shakespeare, des bouts d'actes se passant dans les salons de tous les mondes, dans les cabinets de tous les financiers embusqués à la bourse, dans les bureaux de journaux de tous les partis, dans les réunions publiques et les réunions de comités. Ajoutez les dialogues échangés au coin d'une rue et se rattachant aux gros événements du lendemain. Comptez enfin avec ces deux facteurs de l'évolution de la société moderne, la femme et l'argent, et vous aurez une impression de cette bataille d'idées et d'intérêts qui n'apparaît ennuyeuse et monotone qu'à l'observateur des surfaces et qui est en réalité un des grouillements les plus compliqués produits par les passions de l'humanité. Il y a de tout dans le milieu parlementaire, du bon et du mauvais, du meilleur et du pire, du simple et de l'inattendu. Les plus nobles ambitions, les dévouements les plus absolus à une idée, des honnêtetés les plus admirablement naïves l'ont traversé sans y recevoir une tache de boue ou une éclaboussure d'argent. D'autres s'y sont installés, comme les marchands et les changeurs sous le péristyle du temple, pour y pratiquer les plus bas commerces, les trafics les plus éhontés. Des marchandages de conscience et des ventes des lecteurs ont eu lieu dans ces coins de ce palais suspect transformé en boutique. D'exquis philosophes, de subtils dilettantes qui considèrent la politique comme la manifestation la plus raffinée de l'intelligence et qui la savourent comme un sorbet, ont passé leur vie là avec le même visage, fermé et un sourire intérieur. Le tonnerre de la grande éloquence a roulé dans ces salles et ces couloirs sonores. Des silencieux qui réservent toute leur activité et toute leur puissance d'action pour les combats à côté ont décidé ici, dans le calme d'un bureau ou le repos du jardin, de l'issue d'une journée. En même temps, les cynismes et les niaiseries qui cherchent acquéreurs se promènent sur le marché. La bêtise solennelle pontifie avec des dossiers sous les bras. Des braves gens qui étaient l'honneur d'une province arrivent et en un instant deviennent les plus rusés des maquignons politiques. De tendres jeunesses se déniaisent en un clin d'œil. Oui, c'est bien un milieu spécial. On y respire un air particulier, chargé de carbone asphyxiant et de ferments de décomposition. C'est le mal du parlementarisme que l'on prend là. Il faut une haute intelligence et un caractère trempé comme l'acier pour n'y pas succomber et pour garder la foi en ce régime représentatif qui qui est le seul compatible avec notre dignité d'homme libre. C'est la maladie dont Proudhon lui-même se sentit atteint en 1848 et qu'il analysa en se frappant la poitrine et en s'accusant bien haut dans les confessions d'un révolutionnaire. C'est la maladie, semblable à la contagion de l'air des hospices, que le rude socialiste a nommé un jour la pourriture d'assemblée. Il arrive qu'un homme honnête, envoyé là par ses concitoyens pour les représenter et pour les défendre, y perd les notions les plus élémentaires de droit et de justice, arrive à ne plus distinguer entre le juste et l'injuste. L'intérêt électoral finit par tout remplacer. Ce qui l'aurait fait autrefois bondir d'indignation lui apparaît comme nécessaire à l'intérêt public. Les petits côtés des questions, les faits arrangés en trompe-l'œil, lui font dédaigner les réformes complètes et les idées générales. Il rit si quelqu'un a l'idée extraordinaire de lui parler philosophie ou littérature. Il sacrifie sans hésitation aucune l'avenir de tous, à ce qui lui apparaît comme une nécessité inéluctable. Il dépose dans l'urne avec tranquillité un bulletin qui lie la France à des compagnies de chemin de fer. Il approuve le cumul des fonctions alors qu'il ne saurait certainement souffrir, dans la vie ordinaire, un employé qui toucherait de l'argent pour un travail qu'il ne ferait pas. Et tout cela, simplement. Cet homme-là, et il existe, sachez-le, ô vous qui ne lisez pas entre les lignes du journal officiel, cet homme-là est à la fois une monstruosité morale et un parfait parlementaire. Fin de la section 16, lue par Margot.